Le comité préparatoire brésilien pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung est constitué le 6 courant. Il a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme rassemblement de célébrations, séances de films et expositions de livres et de photos pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du président Kim Il-sung.